La lune est ronde, la lune éclaircit mes pensées comme un long voyage, comme un long voyage qui se développe en lui un souffle qui grandit. S'épanouit. La vérité devient faible et humaine. La négligence est souvent trop cruelle envers les enfants. Insaisissable comme un poisson dans l'eau, on ne sait où il va, on ne sait d'où il vient, comme l'hirondelle qui s'envole à la fin des. Je veux chanter, moi je veux chanter. La vérité devient faible et humaine. La négligence est souvent trop cruelle envers les enfants. Envers les enfants.